50 languages. 67. 67. 67. الضمائر الملكية 2. Pronom possessif 2. Pronom possessif 2. نظارة. Les lunettes. Les lunettes. لقد نسى نظارته. Il a oublié ses lunettes. Il a oublié ses lunettes. أين نظارته يا ترى؟ Où a-t-il donc mis ses lunettes? Où a-t-il donc mis ses lunettes? الساعة. La montre, l'horloge. La montre, l'horloge. ساعته تلفت. Sa montre est cassée. Sa montre est cassée. الساعة معلقة على الحائط. L'horloge est accrochée au mur. L'horloge est accrochée au mur. جواز السفر. Le passeport. Le passeport. لقد فقد جواز سفره. Il a perdu son passeport. Il a perdu son passeport. أين جواز سفره يا ترى؟ Où a-t-il donc mis son passeport? Où a-t-il donc mis son passeport? Home, home, honna, honna. Il, leur. Il, leur. لا يمكن للأطفال العثور على والديهم. Les enfants ne peuvent pas trouver leurs parents. Les enfants ne peuvent pas trouver leurs parents. Mais voici leurs parents qui arrivent juste à l'instant. Mais voici leurs parents qui arrivent juste à l'instant. Vous, votre. Vous, votre. كيف كانت رحلتك سيد مولر؟ Comment s'est passé votre voyage, monsieur Müller? Comment s'est passé votre voyage, monsieur Müller? أين زوجتك, سيد مولر؟ Où est votre femme, monsieur Müller? Où est votre femme, monsieur Müller? حضرتك qui? Vous, votre. Vous, votre. كيف كانت رحلتك, سيد Schmidt? Comment s'est passé votre voyage, madame Schmidt? Comment s'est passé votre voyage, madame Schmidt? أين زوجك, سيد Schmidt? Où est votre mari, madame Schmidt? Où est votre mari, madame Schmidt?